Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Sur les ondes de CKJ avec Michel Thifault et Dominique Bolduc hier... L'entraîneur-chef Benoît Graton a commenté la série entre les Marquis de Jonquière et les Éperviers de Sorel. On sait que la série est égalité 1 à 1. Et Benoît Graton explique mal le mauvais début de match dans le cadre de la rencontre de vendredi. On se pense pas, parce que le lendemain, on avait presque le même alignement, puis ça a été complètement une soirée différente. Je te dirais, je sais pas, peut-être que... Tu sais, quand tu reviens d'une grosse série contre Thetford où on a dépensé beaucoup d'émotions, puis c'est deux équipes qui jouent différemment. Peut-être que, je sais pas si on pensait justement continuer avec ce momentum-là de l'autre série. Mais souvent, ça arrive dans les séries éliminatoires, le premier match d'une série. Je pense qu'il faut pas justement... juste se concentrer sur ce premier match-là, parce que souvent, ça va pas être l'indication de comment la série va aller. L'expliquer pourquoi exactement, je pourrais pas te le dire. C'est sûr qu'on a regardé beaucoup de vidéos après, puis juste un exemple, là, je peux te donner, on a eu 37 revirements vendredi, samedi, on a eu 11 revirements. Oui. Juste là, je dirais que c'est peut-être beaucoup entre les deux oreilles là, que ça s'est joué. Dans un deuxième temps, ça a brassé pas mal dans le match de samedi et les Marquis ne sont pas laissés intimider. Benoît Graton a salué l'effort de ses joueurs. On est des joueurs qui n'ont pas froid aux yeux. C'est des joueurs qui sont prêts à payer le prix d'aller dans le... Je pense vont aller chercher la rondelle en premier, puis ils vont batailler justement pour chaque pouce. Puis je pense que c'est plus là, moi... que je vois que tu sais si on a une équipe qui est courageuse ou non, pour l'intimidation, moi je pense pas que ça va être un facteur dans la série. La randonnée du Gros Diqué, qui est organisée par notre collaborateur Marc Diqué, va faire une incursion pour la première fois au lac Saint-Jean. Ça va avoir lieu le 1er juin. Et c'est une randonnée de 27 km, évidemment, pour ramasser des fonds contre le cancer. Hier, on a annoncé qui sera une des ambassadrices. Il s'agit de Cassandra Bradette de Saint-Félicien, la patineuse de vitesse, qui se joint à l'organisation. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Mathieu Bette en compagnie de Tony Guzzo du site lebettsnfl.com, où on parle évidemment de son contrat avec les Bears de Chicago. On s'est également entretenu avec Wallet du site également lebitsnfl.com, où on analyse le repêchage de la Ligue nationale de football. Et Perry G a assisté au début de Vladimir Guerrero avec les Jays de Toronto, et donc il nous en parle. Le sport local et régional à danradiosport.com.